On va parler. Samuel Girard a connu ses trois premiers matchs avec les Admirals de Milwaukee, la filiale des Prédateurs de Nashville. Et question de savoir un peu comment il s'est débrouillé durant ces trois matchs. On lui parle. Salut Samuel. Bonjour. Samuel, comment ça a été les trois matchs? Écoute, personnellement, je trouve que ça a très bien été. C'est sûr que mon premier match, c'était vraiment une adaptation. Il faudrait que je m'ajuste au jeu là-bas, mais après ça, tu sais. Donc après mes deux premiers chiffres de première game, écoute, ça a très bien été, là. Ça fait trois games que je suis dans le line-up, fait que c'est sûrement bon signe. Ça va très bien, OK. je suis en La vitesse d'exécution, j'imagine. On dit toujours que c'est passer d'un circuit à un autre, c'est une demi-seconde autour. Donc, c'est certainement la vitesse qui a fait qui a aidé davantage, hein. Oui, exactement. Comme tu dis, c'est sûr que c'est pas mal plus vite que junior. Fait que il faut que je m'adapte à la vitesse du jeu, ça c'est sûr. Puis tu veux pas, je pense que l'exécution, les gars, puis tout ça, c'est pas mal plus rapide là que dans le. Comme tu dis, plus en plus tu montes de niveau, plus en plus c'est rapide. OK. Là, les Admirals, j'ai pas regardé le classement à ta place. Est-ce qu'ils sont assurés de faire des séries? Est-ce que... Ouais, là, sont assurés de faire des séries, sont troisième de leur division en ce moment. OK. Et est-ce que vous connaissez déjà vos adversaires? Non, on les connaît pas encore, mais ça va être soit les Grand Rapids ou Chicago. OK. Comment l'entraîneur t'a utilisé? Est-ce que tu as vu un peu de ta... Parce que toi, ta spécialité, évidemment, c'est l'avantage numérique. Comment l'entraîneur, est-ce que l'entraîneur t'a utilisé sur l'attaque à 5? La première game, non. OK. La deuxième game, ben, j'ai tout sur l'attaque à 5, mais on n'a pas eu de power play pendant toute la game, fait que j'ai pas pu voir. Puis hier, à Iowa, ben, j'ai été utilisé moi sur le power play, j'ai joué une couple de minutes. OK. Samuel, est-ce que l'entraîneur t'a dit quelque chose sur qu'est-ce que tu dois peut-être améliorer, sur quoi, des bons commentaires? Est-ce que là-dessus, on t'a parlé? Non, ils m'ont pas vraiment parlé de ce que je devrais améliorer, puis mon commentaire. Je pense qu'ils m'ont joué ma game. Je suis arrivé ici, ils m'ont rencontré, ils m'ont expliqué leur système de jeu, tout ça. C'est pas mal la seule chose qu'ils m'ont expliqué. Puis c'est tout ce qu'ils m'ont dit, c'est jouer ma game, que si je joue ma game, tu devrais pas avoir de problème. Là. OK. Milwaukee, c'est une ville assez ordinaire. Je pensais que c'était une ville. Moi, je les connais à cause des Brewers de Milwaukee. C'est pas tellement loin de Chicago, mais c'est comme ville, comment c'est? Ben écoute, sérieusement, moi ça, je trouve quand même que c'est une belle ville, tu sais, c'est quand même tranquille, c'est quand même gros comme ville, je veux pas, là, OK. c'est à comparer de où j'habitais avant, là, mais Ouais. bon, c'est une grosse ville, c'est surnommée la sœur de Chicago, fait que c'est quand même considéré comme une ville grosse. OK. Là, c'est quoi comment tes journées dépassent comment dans la Ligue américaine? Est-ce que tu as des entraînements? C'est quoi, en fait? Là, j'imagine que tu es à l'hôtel. C'est quoi les journées de Samuel Girard? Ouais, exactement. J'étais à l'hôtel, ça fait depuis que je suis arrivé ici que j'étais à l'hôtel, puis je vais rester jusqu'à la fin, mais ouais, dans le fond, les journées, tu sais, ça arrive mal au même, là. Écoute, on a une pratique le matin, les alentours de 10h30, après ça, on a un hors-glace. Après la pratique, on est hors-glace, on s'entraîne hors-glace, puis après, ben, nos journées sont pas mal finies après ça, là. C'est, mettons, je te disais qu'à partir de 2h, là, 1h30, on est sorti de l'aréna, puis on a notre après-midi. OK. Sam, faut revenir sur la fin de saison des Cataractes de Shawinigan. Ça a été quand même un petit peu décevant, hein? Moi, exactement, c'est sûr qu'on était les joueurs, mais c'est pas juste les joueurs, c'est les partisans de Shawinigan, l'organisation des Cataractes de Shawinigan, tu sais, je veux pas, là, quand on a travaillé fort pendant toute la saison, les partisans, tu sais, on a quand même battu le record qu'il y avait eu en 2012 de participer à Gagnant au Game. Ouais. Fait que, les partisans, c'est sûr qu'ils nous supportaient derrière nous, mais je pense pas qu'ils méritaient qu'on finisse autant de bonheur comme que ça, tu sais, d'avoir perdu contre l'Aldor, personne voyait ça de même, personne voyait qu'on allait perdre contre l'Aldor, mais écoute, c'est la game, ils ont travaillé plus fort que nous, ils avaient le désir de gagner plus que nous, là. Est-ce que le fait qu'Anthony Beauvillier n'est pas revenu, j'écoute pas mal les commentaires à Shawinigan, à la radio de Trois-Rivières, puis on sait que ça a déjoué pas mal les plans. Est-ce que ça a vraiment nuit vraiment aux Cataractes? Je dirais pas que c'est à cause de tout qu'on a perdu en playoff, ça c'est sûr, parce que tu sais, pas pendant la saison, entre les Bouguiers n'étaient pas là, puis on réussit à gagner pareil. On a quand même fait deux fois une séquence de 10 victoires d'affilée pendant l'année. Fait que je pense pas que le fait qu'Anthony Beauvillier n'est pas venu, c'est sûr que si Anthony serait revenu, ça nous aurait aidé. On l'aurait pris, c'est sûr certain, mais c'est comme je te disais, je pense pas que c'est un manque d'Anthony Beauvillier qu'on a perdu en playoff. Je pense plus que c'est un manque de travail que nous, les joueurs, on n'a pas fait là. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Cataractes? Est-ce qu'on s'attend peut-être une période de reconstruction maintenant? Ça, c'est pas nous les joueurs qui font ça. Ça va être vraiment plus, c'est plus le DG qui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec l'organisation. Mais tu sais, je pense que l'organisation des Cataractes, on est vraiment traité en professionnel là, avec Martin Mondeau qui fait une bonne job, puis le staff d'entraîneur, puis sérieusement la chambre des Cataractes, et puis tout l'environnement dans le fond des Cataractes, c'est vraiment professionnel. Fait que le monde qui vont s'en aller là pour eux, alors que junior, c'est vraiment une belle organisation. Bon, je ne te serais pas de voir avec l'uniforme bleu avant fin de avant la fin de ton périple junior, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un petit message que je lance en passant. Hey, Samuel, en terminant, tu vas être président ou invité d'honneur, je pense, dans un gros souper pour le CIUS, c'est ça? Pour le CIUS. On t'a pas invité dans le coin de Robertval pour un souper d'honneur pour le CIUS ou... Je sais que je suis invité d'honneur pour le tournoi de golf. Oui, c'est ça. Ouais, dans le fond, justement, ils m'ont invité, je suis invité d'honneur là, pour le tournoi de golf de l'hôpital, là, puis pour le studio aussi, fait que je suis très honoré d'avoir été nommé président d'honneur, fait que ça va être le fun de vivre ça. Puis moi, mais c'est ça que je veux faire, je veux donner ma communauté, tout ça. Ben oui, c'est vrai. Ben bravo, Samuel! Donc, on se reparle peut-être à la fin de l'année avec les Admirals. Comment t'as trouvé ta fin de saison avec les Admirals? Parce que tu vas participer en série, donc c'est bien le fun de te rejaser. Parfait, merci beaucoup. Samuel Girard, qui a joué ses trois premiers matchs avec les Admirals.